24, 33, activation orale, impératif et pronom. Révision. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Nous retenons Robert et Mireille à dîner. Et vous ajoutez avec conviction. Oh oui, retenons-les à dîner. 2. Nous invitons ce monsieur Taylor. Oui, invitons-le. 3. Nous invitons Mireille. Oui, invitons-la. 4. Nous invitons les Bello. Oui, invitons-les. 5. Tu essaies le fromage de chèvre? Il est fameux. Essaie-le. 6. Tu goûtes le Bordeaux? Il est extraordinaire. Goûte-le. 7. Tu goûtes ma crème renversée? Elle est particulièrement réussie. Goûte-la. 8. Manger ces 4 haricots, je vais pas garder ça pour demain. Mangez-les. 9. Tu reconduis, monsieur? Allons, reconduis-le. 10. Tu reconduis Mireille chez elle? Allons, reconduis-la chez elle. 11. Tu reconduis ces jeunes gens? Reconduis-les. 12. Vous accompagnez Mireille? Accompagnez-la. 13. Vous m'invitez à dîner? Invitez-moi. 14. Vous m'accompagnez? Accompagnez-moi. 15. Tu t'excuses? Excuse-toi. 16. Tu t'assieds? Assieds-toi.